deux rats de laboratoire, deux rats qui attendent le soir, deux rats qui attendent les ombres pour conquérir le monde. Appelons-nous un moche, avec des yeux comme des poches, deux rats qui se prennent pour King Kong, qui veulent conquérir le monde. Deux rats nocturnes à figure, qui sortent quand vient la lune. Deux rats comme Mao Zedong, qui veulent conquérir le monde. Cortex génie, munis la brutie. Cortex génie, munis la brutie. Deux rats de laboratoire, deux rats qui attendent le soir, deux rats qui attendent les ombres pour conquérir le monde. Deux rats de laboratoire.